une abonnée. Mais madame, raccrochez-vous même. Allô, mademoiselle? Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule. Tu es resté à la maison. Quel procès ! Ah oui !

mais mon chéri, une figure admirable, c'est pire que tout. C'est pour les artistes. Téléphone. commentaire en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas ma robe rose, j'ai un manteau sur ma chemise parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder Pas la tête Tu as frappé, si tu frappais, Brusquement, on met des caves, des hiboux, toute une ville entre soi.

tu t'aimes.